Afin de sauvegarder ma réputation d'homme sérieux, j'ai voulu commencer par jeter devant vous quelques idées graves. Je finirai de même, car soyez-en sûr, je tiens à bien finir. Maintenant que vous êtes rassuré sur ma fin, je pars. Suivez-moi si le cœur vous en dit. Le temps du carnaval est passé, c'est vrai. Nous sommes en plein carême, c'est aussi vrai. Mais rendons pour un instant la liberté à nos esprits, tout en réduisant nos corps en servitude, et retournons au jour gras. Le carnaval ici n'est réellement plus qu'un souvenir. De fait, il n'existe plus guère. Il nous est venu d'Europe avec nos aïeux, comme la fête de la grosse gerbe. Et nos aïeux l'ont reçu de Rome ancienne, c'est-à-dire du paganisme. Les anciens avaient, en effet, des mascarades, particulièrement aux Saturnales ou fêtes de Bacchus, aux Lupercales et à la fête de la mère des dieux qu'on appelait Magalésia. Si l'on en croit Ovid, la première mascarade remonte au temps d'Hercule, et c'est ce monsieur lui-même qui en a fait tous les frais. Voici à quelle occasion. Faune, un autre monsieur de l'Antiquité, avait une maîtresse, la belle Lyda. Et cette maîtresse, un peu négligente, peut-être laissait traîner, passez-moi l'expression, ses vêtements. Hercule les prit un jour, s'en revêtit et se rendit dans une grotte sombre, obscure même, où il donna à Faune, de la part de Lyda, un rendez-vous pressant. Faune accourut, tout palpitant, et n'en retourna tout penaud. Il venait de voir la première en mascarade. Le carnaval, parmi nous, en est à son dernier jour, puisqu'il naît véritablement et meurt avec les jours gras. Mais comme tout ce qui va s'éteindre, il brille d'un éclat plus vif et paraît se réveiller avec une vigueur que l'on ne suppose qu'à la jeunesse. Le carême, voyez-vous, arrive pâle et décharné. On ferme les yeux pour ne pas le voir. Et pourtant, notre carême à nous, quel bonhomme de carême en comparaison de celui de nos pères. Mais pardon, j'oublie que le carême n'est pas une fête populaire. Nous sommes donc au jour gras. Entendez-vous le trot mesuré des chevaux, les vibrations argentines des sonnettes, les sillements des lys d'acier sur la neige? Entendez-vous les rires, à demi étouffés, sous les robes de carriole? Tout le jour et dans toutes les routes, les voitures circulent. Ce sont les amis qui vont souper chez les amis, les parents qui visitent les parents. Tout le monde sort ou reçoit, comme ce diable d'Asmodée. Enlevons les toits et laissons pénétrer nos regards, dans l'une de nos maisons, par celle que nous verrons. Jugeons les autres. C'est fait, la maison que nous avons décalotée est celle d'un bon habitant. Elle est grande et arbore deux pignons rouges. Notre habitant aime le plaisir et le petit coup. Il est généreux, honnête, hospitalier et, par-dessus tout, marguillé en charge. Les invités arrivent. Ils sont 40 de leur bande. Vieux et jeunes, hommes et femmes, veufs ou non. Le nombre pas plus que le genre, rien n'y fait. Les femmes se déshabillent, les hommes se décapotent et les chevaux se dételent. Il fait froid et l'on prend un verre de gin pour se réchauffer. S'il ne faisait pas froid, on en prendrait quand même. Les hommes s'assoient et causent de mille choses, des chevaux et de la récolte, des promesses du gouvernement, des taxes et des prochaines élections. Les femmes ne jasent pas moins, et si les dernières nouvelles ne suffisent pas, elles rééditent les premières, soigneusement revues, corrigées et augmentées. Les jeunes filles ne font qu'un rond dans la place, les pieds leur brûlent de l'envie de danser. Voici le joueur de violon. Il porte gravement sous le bras et précisément enveloppé dans un mouchoir de poche l'instrument désiré. Un Stradivarius de fabrique canadienne. On verse à boire pour lui donner du bras. Et soudain, sous le doigt exercé qui les met d'accord, tour à tour les cordes vibrent et sonnent, pendant que les clés tournent en criant dans la tête gracieusement cambrée du violon. Ces préludes font courir une effluve de volupté dans la salle. Les cœurs tressautent et les visages s'illuminent. L'archet, que la résine a rendu agaçant, commence à se promener légèrement de la chanterelle à la grosse corde, en caressant la seconde et la troisième, comme pour essayer ses forces. Puis, tout à coup, il entame le réel à quatre vifs et entraînant. Alors, galants et amoureux se cherchent et se trouvent. On danse pour le plaisir de danser, mais que la danse est agréable avec ceux que l'on aime. Au réel succède la guigue, la plus difficile, la plus belle, et la plus honnête des danses, à mon avis. Puis viennent les cotillons alertes, avec leurs chaînes capricieuses, les oiseaux, les cires rogées, qu'on appelait tout bonnement de mon temps et dans mon village, renégueurs, et puis encore les quadrilles gracieux avec leurs marches et leurs contre-marches mesurées, les lanciers compliqués et brillants, et les calodonias tabageurs. Et puis encore, quelquefois, pour les vieillards, qui aiment à nous donner une leçon de grâce corporelle, le menuet précieux et mignard, avec ses salutations incessantes et ses gestes doucereux. Et toujours l'instrument résonne, et toujours les danseurs tourbillonnent, et le violoneux, en bras de chemise, ne se rendra qu'avec le dernier crin de son archet ou la dernière corde de son violon. Cependant, tout le monde n'aime pas la danse, et il en est pour qui une partie de 4-7 vaut tous les autres amusements réunis. Il ne faut pas en vouloir à ces gens-là, de crainte que l'âge qui éteint d'ordinaire les autres passions ne nous apporte la passion du 4-7. Ces courtisans des cartes, qui valent bien un peu tous les autres courtisans, se sont depuis longtemps attablés. Ils luttent deux contre deux. L'enjeu, c'est l'honneur. Et à les voir attentifs, à leurs mains ou aux cartes qui passent, on dirait qu'ils jouent les destinées des candidats conservateurs ou libéraux. Quels cris et quels éclats de rire s'élèvent tout à coup. Comme ces joueurs sont honteux. Comme ces autres sont glorieux. Ah, c'est un capot ou une vilaine qui vient d'être servie. Retirez-vous d'ici, joueurs maladroits. Allez apprendre à jouer, disent les uns. C'est la faute à ma compagnie, répliquent les autres. Oui, quoi qu'il arrive au jeu de cartes comme aux autres jeux, quand deux personnes sont coupables, c'est toujours la faute de l'autre. Mais voici que sur des chevalets, on couche des planches, et que sur ces planches, on étend des nappes, et que sur ces nappes, on place des assiettes et des plats, des verres et des carafes. Et la senteur du ragoût monte jusqu'au plafond, et le fumet des pâtés à la viande et aux pommes fait passer des frissons dans l'estomac des gourmands. Et les volailles rôties qui dorment, richement dorées par la braise, leur dernier sommeil dans les plats de faïence bleue, attirent fatalement plus d'un œil de convoitise. Les soupers sont joyeuses à la campagne, car il n'y a pas de gêne. Et là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, vous le savez. Les soupers du Mardi Gras surtout sont joyeux et longs. On voudrait voler quelque chose au carême. Puis, quand l'appétit est un peu plus que satisfait, et la soif, joliment plus qu'assouvie, on chante au lieu de faire des discours. À mon avis, c'est bien plus gai. Et bien plus raisonnable aussi, parce que cela est de la digestion. Seulement, il se trouve des gaillards qui chantent un peu trop fort, et un peu trop souvent. Ils croient que l'on chante d'autant mieux que l'on chante haut. Et comme ils supposent qu'on aime à les entendre, ils n'aiment pas à nous lâcher. Mais enfin, les voix se fatiguent, les refrains deviennent plus courts ou plus rares. Et finalement, il arrive un moment où le dernier chorus est bien le dernier. Alors on se disperse pour se réunir de nouveau autour des tables à cartes ou au son du violon. Et jusqu'à minuit sonnant, c'est un entraînement irrésistible, une véritable fureur de plaisir. Mais le trait caractéristique du carnaval, c'est la mascarade. Et pourtant, la mascarade elle-même tombe en désuétude. Elle ne se fait plus que le Mardi Gras. Autrefois, un homme sérieux et une femme, non moins sérieuse, s'affublaient d'un masque aussi grotesque que possible et de vêtements bizarres. L'homme s'enveloppait de jupes, la femme enfourchait la culotte. Et conduit par un cocher, à l'air mystérieux, ils allaient de porte en porte, buvant, mangeant et dansant mieux que les autres, au grand plaisir de la foule. Souvent, des curieux parvenaient à soulever un masque, et alors, derrière la vilaine grimace, en carton peinturluré, ils apercevaient parfois un adorable minois. Aujourd'hui, dans la plupart des paroisses, quelques jeunes gens, et les enfants seuls, se donnent la peine de se farder avec de la suie pour effrayer d'autres enfants. Mais en revanche, ils se sont identifiés avec le jour même de la fête, et on les appelle les Mardi Gras. Et voilà comme s'en va le carnaval, sous notre ciel rigoureux. À ces fêtes excentriques où tout le monde est convié, où les fantaisies courent la rue, où la gaieté, l'entrain et la folie se donnent la main, et dansent leurs rondes vertigineuses. Il faut du soleil et de la lumière. Il faut des hommes un peu efféminés par la douceur du climat et la poésie de l'existence. Il faut des femmes brûlées par les rayons du jour et les rêves de la nuit. Il ne sera pas sans intérêt de jeter un coup d'œil sur quelque autre peuple, tout en restant dans les limites que nous prescrit une simple étude, pour comparer nos fêtes respectives et constater leur commune origine. En Italie, par exemple, le carnaval est encore dans toute sa splendeur, ou si vous l'aimez mieux, dans toute sa folie. Et dans la ville sainte, pendant les 11 jours qui précèdent le carême, la population tout entière, affublée d'oripeaux étranges, vêtue de costumes pittoresques, travestis et masqués, inonde les rues et les places, crie, chante, pérore, danse, court, se promène, s'agite comme une mer secouée par une commotion souterraine. Mais le mercredi des cendres, toute cette foule joyeuse et bruyante encombre les églises et se prosterne dans la poussière. Venise autrefois est montée jusqu'à la gloire, grâce à ses grands citoyens et à ses vaillants soldats. Venise aujourd'hui est descendue jusqu'à l'immortalité, grâce à son carnaval. Car on descend à l'immortalité de chute en chute, comme on y monte degré par degré. Ici, le carnaval se termine par l'enterrement du Mardi Gras. Dans plusieurs localités de France et des autres pays d'Europe, il se termine par l'enterrement du mercredi des cendres. Le Mardi Gras d'ici et le mercredi des cendres de là-bas sont figurés par un bonhomme. Quelquefois même une bonne femme de linge ou de paille. Le mannequin, homme ou femme, est enterré ou brûlé avec tous les honneurs dus, sinon à son rang, du moins à l'idée qu'il représente. Sans aucun doute, il y a là une superstition religieuse. Et ce sacrifice du mannequin doit représenter le sacrifice des plaisirs et des amusements. On veut faire comprendre que le temps de pénitence est arrivé, et qu'il faut chasser le souvenir des distractions mondaines. Il faut dépouiller le vieil homme. Les paysans de Bohême sacrifient, eux, un instrument de musique. Cela, en effet, parle éloquemment à l'esprit. Ils brisent d'ordinaire une vieille basse, l'enveloppent dans un drap blanc, et la portent en terre, en s'éclairant de lanternes et en chantant des chants funèbres. On trouve encore dans la Normandie bien des personnes qui croient que le diable a le pouvoir et la permission d'enlever ceux qui se déguisent et se masquent en même temps de carnaval, et ces naïfs paysans se donnent bien garde de faire la mascarade. Ici, dans certains villages éloignés, on retrouve aussi la même croyance. Rien d'étonnant en cela, puisque nous descendons pour un grand nombre de ces rusés normands. Quand j'étais jeune, je me déguisais quelquefois et me couvrais d'un masque. Chose que je ne fais pas maintenant, mais que bien des hommes pratiquent. Et notre vieille voisine de la mère Catoche m'avertissait de prendre garde, que le mauvais esprit m'emporterait. Je vois maintenant que la mère prenait le change sur le déguisement, et qu'il n'y a réellement de danger que pour ceux qui s'affublent du masque moral de l'hypocrisie.